vida l'ombre de que je n'ai plus tes yeux, dans les silences de que je n'ai plus ton rire, comme un croyant à qui l'on a pu échanger. Je continue à vivre sans raison de vivre. J'ai besoin de toi, comme un arbre a besoin de pluie. J'ai besoin de toi, comme un homme a besoin d'oubli. J'ai besoin de toi, comme l'ombre a besoin du jour. Et je n'y peux rien, ton amour me tient. J'ai besoin de toi, toujours. Et je n'y peux rien, ton amour me tient. J'ai besoin de toi, m'apporte des images d'illusions. Je vais te retrouver au cinéma du rêve. Je te dis c'est bien toi, le temps m'a semblé long, et tu vas me répondre quand le jour se lève. J'ai besoin de toi pour savoir qu'il fait beau la nuit. J'ai besoin de toi pour mieux être ce que je suis. J'ai besoin de toi pour savoir que le temps est court. Et je n'y peux rien, ton amour me tient. J'ai besoin de toi, toujours. Et je n'y peux rien, ton amour me tient.